Audiomatique. How do we feel it again? we were young, we took photographs of everything we could be. La transmission 186 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique de la formation américaine Sunlocks, de qui nous entendions Dream State, une pièce paraissant sur leur tout nouvel album intitulé Brighter Wounds. Les électronistes vous proposent une nouveauté à l'instant du londonien Guy Andrews. burn yourself, 'cause I believe in you. À Audiomatic, nous vous présentions le trio montréalais Nothing Dark, qui est formé de membres faisant partie de Surface of Atlantic et Altamina, soit le chanteur, guitariste et personnage Nack G. Colson, Matt Davis à la batterie et Roxanne Miller à la basse et au synthétiseur Omnichords. Le groupe a été fondé officiellement à la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février dernier. Vous avez entendu leur chanson « Wish » tirée de leur premier EP « Tricks » qui fut enregistré et mixé en mars et masterisé en avril par l'ingénieur de son reconnu Harris Newman. « Nothing Dark » fera paraître un deuxième EP à la fin du mois d'août prochain intitulé « Tragic Comedy » qui mettra davantage l'emphase sur un son encore plus synth-pop avec des influences à la « Simple Minds » et « Tears for Fears ». Précédemment à Nothing Dark, nous entendions le duo norvégien Royksopp avec leur composition Royksopp Forever de leur album Junior, paru en 2009. Et pour débuter, il s'agissait de Guy Andrews, accompagné par la chanteuse Aleph Lenz, de qui on entendait Feelings Within a Light Space, qui est en fait une réinterprétation de la chanson Feelings que l'on retrouve sur l'album Tack. Feelings Within a Light Space est tiré du EP Tack Reinterpretations et comprend deux réinterprétations de Feelings et un remix de Trails par le groupe Vessels. Le projet brésilien Salvador Araguaia assure la suite de la transmission d'Audiomatic avec sa pièce Apocalypse Now. en conclusion de cette séquence musicale à Audiomatique, c'était la pièce Kinski Disc Fox de la formation Visit Venus dans une version remixée par Groove Armada. Celle-ci se retrouve sur la compilation intitulée Ambient Soul Volume 2, produite par l'étiquette Millennium Records en 2000. Avant cela, c'était le projet Keith Baker et sa pièce Straw Overcoat de son mini-album Pure Language, sorti en 2006, et on amorçait la séquence avec le projet brésilien Salvador Araguaia et sa pièce Apocalypso Nord qui paraît sur la compilation Cumbia Amazonica, récemment sortie et produite par l'étiquette de disque Hawaii Banzai. Allons-y maintenant à Audiomatique avec la musique de Johnny Greenwood. Audiomatic, vous avez sans doute reconnu la voix de la charmante mais timide Hope Sandoval, ici accompagnée par son groupe Mazzy Star, qui nous interprétait la chanson Umbilical de leur troisième album Among My Swan. Hope Sandoval collabore également avec l'artiste irlandais Colomo Kietsuk de My Bloody Valentine au sein de The Warm Inventions. Tout juste avant Mazzy Star, le groupe Passion Pit se faisait entendre avec la chanson Swimming in the Flood de leur premier album Manners. Et en amorce de ce segment, nous avions droit à la musique de Johnny Greenwood, bien sûr guitariste de Radiohead, et sa composition Trench, tirée de la bande originale du film Body Song, un documentaire sur la vie humaine réalisé par Simon Pommel. Nous terminerons cette transmission 186 d'Audiomatique sur la musique du projet Clinique mené par Mark Verhagen depuis 1990, alors que son partenaire Dirk Evans quitta la formation pour développer ses projets solo. Donc, nouvelle personnalité musicale pour Clinique avec ce départ et nouveaux sons qui se matérialisent bien avec la pièce Assassins que nous allons entendre et qui paraît sur l'album Awake sorti en 1996. Mercredi prochain, nous en serons à la transmission 187 d'Audiomatique et nous espérons ardemment que vous serez à l'écoute du 89.1 FM à compter de 17h. Nous vous invitons, comme à l'habitude, à visiter nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique pour entendre ou réentendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Clinique et la pièce Assassins. Bonne écoute et bonne semaine. C'était Audiomatique avec les électronistes. Affirmative. Pressurization complete. Affirmative. Brain safety test, like the switch to on.